Dis-moi tout. Troisième niveau. Documents oraux. Centre jaune. Leçon 1. Activité 1. Berlingot réfléchit à son nouveau numéro. C'est l'automne. Mon cirque, le cirque Colibri, ne voyage plus pendant l'automne et l'hiver. Et moi, je ne donne plus de spectacle. Mais l'été va vite revenir. Je dois préparer un nouveau numéro. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Peut-être que je pourrais inventer des patins à roulettes. Qui volent? Non, je ne suis pas capable de dessiner des ailes. Alors, peut-être que je pourrais inventer des espadrilles qui se gonflent comme des ballons. Non, je ne peux pas. Des espadrilles, ça ne se gonfle pas comme des ballons. Bon, qu'est-ce que je pourrais inventer encore? Peut-être un violon qui parle? Ah oui, un violon qui parle français. Mais non, ce n'est pas possible. C'est trop difficile pour moi. Je dois encore réfléchir. Leçon 1, activité 2. Berlingot pourrait inventer... Toi, Berlingot, avec ton cerveau, tu peux inventer des bras en forme d'ailes qui volent, qui volent, qui volent, qui volent. Toi, Berlingot, avec ton cerveau, tu peux inventer des pieds en forme de roue qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui roulent. Toi, Berlingot, avec ton cerveau, tu peux inventer des yeux en rayon laser qui lancent, qui lancent, qui lancent, qui lancent. Toi, Berlingot, avec ton cerveau, tu peux inventer des oreilles en antenne qui captent, qui captent, qui captent, qui captent. Toi, Berlingot, avec ton cerveau, tu peux inventer des dents faites d'acier qui broient, qui broient, qui broient, qui broient. Qui vole, qui roule, qui lance, qui capte, qui broie. Qui vole, qui roule, qui lance, qui capte, qui broie. Qui vole, qui roule. Leçon 2, activité 2. Je peux dessiner avec un crayon. Mais pas avec un ballon. Je peux manger avec une fourchette. Mais pas avec une bicyclette. Je peux me laver avec du savon. Mais pas avec du melon. Je peux écrire avec un stylo. Mais pas avec une moto. Leçon 3, activité 1. L'invention de Berlingot. Enfin! Berlingot a terminé son invention. C'est une machine bizarre. C'est une machine fantastique. Elle est grande. Elle ressemble à une bicyclette, mais ce n'est pas tout à fait une bicyclette. la machine fantastique de Berlingot a deux ailes. Oui, deux grandes ailes comme des ailes de chauve-souris. Une aile est rouge et l'autre est jaune. Cette machine a aussi deux grosses roues sous les ailes. Mais ces roues ne sont pas rondes. Elles ont des dents. Bizarre, bizarre. À quoi peut bien servir cette machine? Berlingot ne l'a pas dit. Leçon 4, activité 1. Une machine fantastique. Enfin, Berlingot a terminé son invention. C'est une machine bizarre. C'est une machine fantastique. Elle est grande. Elle ressemble à une bicyclette, mais ce n'est pas tout à fait une bicyclette. La machine fantastique de Berlingot a deux ailes. Oui, deux grandes ailes comme des ailes de chauve-souris. Une aile est rouge et l'autre est jaune. Cette machine a aussi deux grosses roues sous les ailes. Mais ces roues ne sont pas rondes. Elles ont des dents. Bizarre, bizarre. Et maintenant, vous voulez savoir à quoi elle sert? Elle sert à monter et à descendre des escaliers. C'est une machine fantastique. Leçon 5, activité 2. Poème sans rime de Berlingot. Je peux monter les escaliers, j'ai mes deux jambes. Je peux voir les enfants qui s'amusent, j'ai mes deux yeux. Je peux sentir la fumée qui sort de la cheminée, j'ai mon gros nez. Je peux applaudir les enfants qui dansent, j'ai mes deux mains. Mais je ne peux pas voler, je n'ai pas d'ailes. Je ne peux pas pleurer, je fais toujours rire. Je ne peux pas danser, j'ai de trop grands pieds. Mais je peux être heureux toute l'année, car je vous aime. Et vous m'aimez. Leçon 6, activité 1. L'aventure de Berlingot. J'ai une drôle d'aventure à vous raconter. La semaine dernière, j'ai décidé de pratiquer mon nouveau numéro. Je suis monté sur ma machine fantastique. J'ai pédalé très fort pour monter l'escalier. C'était très difficile. Ouf! Après beaucoup d'efforts, je suis finalement arrivé en haut de l'escalier. J'ai regardé à droite, puis à gauche. J'ai regardé aussi en bas. J'ai eu très peur. Oh! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je ne m'en souviens plus. Leçon 6, activité 2. Berlingot est tombé. La la la la la la. casser le pied. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Leçon 7, activité 1. L'aventure de Berlingot. Suite. La semaine dernière, j'ai vu Berlingot faire son tout nouveau numéro. Il a eu une drôle d'aventure. Berlingot est monté sur sa machine et il a pédalé très fort pour monter l'escalier. Une fois en haut de l'escalier, il a eu très peur. Et là, je l'ai vu. Il a sauté. Il a ouvert les ailes de sa machine. Et puis, je l'ai vu, un pied accroché au trapèze, la tête en bas. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté sur la machine fantastique et j'ai fait un tour de piste. Voilà, c'est le nouveau numéro de Berlingot. Leçon 8, activité 2. Qui a peur? Qui a peur des souris au point de pousser des cris? Qui a peur de son ombre au point de se ronger les ongles? Moi, j'ai peur dans le noir car mes yeux ne peuvent pas voir. Je crains d'être dévoré par un lion affamé. Qui a peur des souris au point de pousser des cris? Qui a peur de son ombre au point de se ronger les ongles? Je frissonne en voyant ramper de gros serpents. C'est tellement effrayant que j'en claque des dents. Qui a peur des souris au point de pousser des cris? Qui a peur de son ombre au point de se ronger les ongles? Ça fait boum dans mon cœur quand je prends l'ascenseur. J'ai du mal à respirer lorsque je suis enfermé. Qui a peur des souris au point de pousser des cris? Qui a peur de son ombre au point de se ronger les ongles? Si je rêve qu'un dragon va m'avaler tout rond, je m'éveille tout en sueur, tellement, tellement j'ai peur. Qui a peur des souris au point de pousser des cris? Qui a peur de son ombre au point de se ronger les ongles? Leçon 9, activité 1. Je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur des lions. Ils sont bons. Moi, je n'ai pas peur des moufettes. Elles sont chouettes. Moi, je n'ai pas peur des gros loups. Ils sont doux. Moi, je n'ai pas peur des chiens. Je les aime bien. Moi, je n'ai peur de rien. Leçon 9, activité 2. Berlingot perfectionne son nouveau numéro. Vous savez, les amis, mon numéro va être fantastique. Je vais arriver sur la piste, debout sur ma machine fantastique, les mains à l'horizontale. En plus, je vais me tenir sur un seul pied. Ensuite, je vais monter l'escalier. Mais ça, c'est très difficile. Je ne serai pas capable. Au milieu de l'escalier, je vais être très fatigué, trop fatigué pour continuer à monter. Je vais descendre, monter, descendre trois ou quatre fois sans succès. Et puis, je vais faire semblant que je ne peux pas faire mon numéro. Je vais m'asseoir, découragé, au pied de l'escalier et de ma machine. Au bout d'un moment, je vais reprendre ma machine et monter l'escalier sans effort. Je vais saluer la foule du haut de l'escalier. Puis, doucement, je vais faire glisser la machine sur un gros câble. Ça, c'est difficile. Je vais pédaler très vite et faire attention de ne pas tomber. Ouf! Je vais arriver à l'autre bout du câble. Je vais saluer la foule et faire une pirouette. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauter dans le vide. Je n'aurai pas peur. Mes ailes de chauve-souris vont s'ouvrir, j'espère. Et où est-ce que je vais me poser? Au beau milieu de la piste, sur le dos d'un éléphant. La foule va sûrement m'applaudir. N'est-ce pas qu'il est fantastique, mon numéro? Leçon 10, activité 2. Jeu de berlingot. Passe, passe le tambourin, passe, passe, passe, passe, passe, passe le tambourin, passe-le à ton voisin. Ce tambourin est-il à toi? Oui, est-ce bien le tien? Oui, c'est le mien. Passe, passe le petit pain, passe, passe, passe, passe, passe, passe le petit pain, passe-le à ton voisin. Ce petit pain est-il à toi? Oui, est-ce bien le tien? Oui, c'est le mien. Passe, passe le petit sapin, passe, passe, passe, passe, passe, passe le petit sapin, passe-le à ton voisin. Ce petit sapin est-il à toi? Oui, est-ce bien le tien? Oui, c'est le mien. La la la la la la la. Leçon 12, activité 2. Pourquoi? J'ai un ourson. Il peut voler. Pourquoi? Il a des ailes. J'ai une bicyclette. Elle peut marcher. Pourquoi? Elle a des pieds. J'ai un camion. Il peut danser. Pourquoi? Il a des souliers. J'ai une marionnette. Elle peut nager. Pourquoi? Elle a de grands bras. Leçon 13, activité 2. Où est Berlingot? Où est Berlingot? Viendra-t-il bientôt? Est-il dans la classe? Est-il sous la table? Où est Berlingot? Viendra-t-il bientôt? Je vois son chapeau sur le bureau. Il est à gauche de ton épaule. roule. Maintenant à droite, il se cache. Là devant toi, il n'est plus là. Il apparaît, il disparaît. Où est Berlingo? Viendra-t-il bientôt? Devant la fenêtre, il pense et il rêve. Où est Berlingo? Viendra-t-il bientôt? Regarde, il dessine sur le tableau. Il est à gauche de ton épaule. Maintenant à droite, ah, il se cache. Là devant toi, il n'est plus là. Il apparaît, il disparaît. Où est Berlingo? Viendra-t-il bientôt? À côté de toi, il rit, il te voit. Où est Berlingo? Viendra-t-il bientôt? Il a réussi son numéro. Enrichissement écoute. Activité 1. L'ami de Pierrot. Pierrot a un très bon ami. Il s'appelle Tic-Tac. Tous les matins, Pierrot se réveille à 7 heures. C'est Tic-Tac qui le réveille. Parfois, Pierrot ne veut pas se lever. Il reste au lit. Alors, Tic-Tac lui dit: Pierrot, Pierrot, lève-toi! Et Pierrot, tout surpris, se demande: est-ce que je rêve? Qui parle? Ce n'est sûrement pas Tic-Tac. Il ne peut pas parler. C'est un réveil matin. Alors, un bon matin, il demande à Tic-Tac: comment peux-tu parler si tu es un réveil matin? Tic-Tac lui répond: je suis un réveil matin, mais je peux parler car j'ai un ordinateur dans mon ventre.